rythme mes pas sans toi. 1, 2, 3, j'ai oublié le reste parfois. Un peu d'émotion sur ma vie, mes illusions. C'est fou ce qu'on est con dans ses rêves d'ambition. C'est moi qui n'ai rien compris. 1, 2 et 3. C'est moi qui a perdu, tant pis. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Je revois encore ton visage. Je sens mon corps se balancer comme un drogué, un mal aimé. Te regarder partir par ce train du quotidien. Et ça compte encore, ça compte encore. Les oiseaux chantonnent, les arbres dansent. Et c'est de plus en plus fort. Je connais le refrain, ne t'en fais pas, ne te fais pas du tort. C'est moi qui n'a rien compris. 1, 2 et 3. C'est moi qui a perdu, tant pis. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Non, ne te fais pas du tort. Ne te tords pas de douleur, y'en a déjà trop dans mon cas. T'en fais pas, c'est comme ça. T'en fais pas. T'en fais pas. 1, 2, 3. Je compte comme ça. C'est moi qui n'a rien compris. 1, 2 et 3. C'est moi qui ai perdu, tant pis.